Vous écoutez France Culture. Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, les vêtements des saints. Nous sommes tellement habitués à porter des vêtements que nous ne nous posons pas de questions dessus. Or, pourtant, lorsqu'on lit le texte sacré qui a structuré notre culture, c'est-à-dire la Bible, on s'aperçoit que dans leur existence édénique, nos premiers parents, fussent-ils mythologiques, bien entendu, mais nos premiers parents, Adam et Ève, étaient nus au jardin, et précisément, c'est à la suite de la faute d'Ève, commise par Adam derrière, on le sait bien, qu'ils connurent qu'ils étaient nus et qu'ils furent obligés de se vêtir. Et d'ailleurs, on va voir ce thème revenir régulièrement dans le texte sacré, puisqu'on pense par exemple à l'épisode de Noé et la manière dont ses fils sont obligés de couvrir sa nudité. De ce point de vue-là, donc, il y a un statut quasiment théologique, si l'on peut dire, du vêtement, sur lequel on peut s'interroger, tout en ayant conscience, évidemment, que les vêtements changent selon le rapport que l'on a au spirituel. Il suffit de penser, par exemple, à la figure de la Madeleine et sa représentation du 15e au 17e siècle, dans laquelle on voit que la Madeleine, qui au départ, surtout dans la peinture italienne, est représentée dans une robe rouge, c'est-à-dire une robe qui renvoie à la pratique de la prostitution, va peu à peu changer de vêtements, va peu à peu acquérir la robe de bure de la pénitente, telle que pratiquement on le verra dans l'ensemble du XVIIe siècle. À travers cette question, ce qu'on peut se poser, c'est qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il de ces vêtements? Est-ce qu'ils ont toujours un rapport à la spiritualité? Ou est-ce qu'ils sont les marqueurs, si l'on peut dire, de notre identité la plus profonde et éventuellement de ce que nous portons nous-mêmes dans notre inconscient et où on rencontre éventuellement des problèmes qui sont tout à fait traditionnels, à savoir, au-delà de l'humain, les anges sont-ils vêtus? Portent-ils des habits? On sait très bien que théologiquement, on a beaucoup discuté à un certain moment du Moyen-Âge sur cette question et d'une certaine manière, est-ce qu'ils ne sont pas simplement vêtus de lumière? Et ce que l'on peut et ce que l'on doit chercher, sans aucun doute, en s'interrogeant ainsi sur les vêtements, et plus particulièrement sur les vêtements que portent les saints, y a-t-il des vêtements particuliers qui sont relatifs à la sainteté? Quelle est notre relation à un phénomène qui peut nous sembler le plus frivole qui soit, c'est-à-dire celui de la mode? Et d'une certaine façon, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en œuvre le projet, un projet qui serait beaucoup plus profond que nous ne le croyons à premier abord, un projet d'une théologie de la mode elle-même? Et pour réfléchir sur ces questions, à propos d'ailleurs d'un colloque qui a été organisé à la fin du mois de janvier, nous avons avec nous Sylvie Barnet, maître de conférence à l'Université de Metz, chargé de cours à l'Institut catholique de Paris, et Valérie Chevassu, psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne. La mode et la sainteté, Roland Barthes dit dans son très beau texte mythologique, ils sont antipathiques l'un à l'autre, et c'est tout dire, c'est même beaucoup dire, puisque a priori, on voit derrière la mode quelque chose de frivole, quelque chose de futile, alors que derrière le personnage du saint, on imagine le dépouillement, on imagine une vêture de pauvreté, et on se demande bien ce que l'un a à voir avec l'autre. Mais précisément, il me semblait qu'il y avait dans les deux quelque chose de profondément pas juste. Et au fond, est-ce que dans le rapport entre mode et sainteté, la mode pouvait-elle nous raconter quelque chose sur la sainteté? Et vice-versa, est-ce que la sainteté avait-elle quelque chose à nous dire de la mode? Je me promenais en 2007 dans l'exposition organisée au Palais Galliera par Jean-Charles de Castelbajac lui-même, exposition performance qu'il a baptisée Galliérock. Donc je me promenais dans ce musée, dans son installation, et extraordinaire. Et d'un seul coup, contre toute attente, j'ai vu surgir devant moi l'image du manteau de Saint-Martin. Et je me suis dit, mais alors, c'est qu'il y a quelque chose de très profond qui les lie. Il me semblait que la mode, lorsqu'elle énonce quelque chose de la sainteté, eh bien, a quelque chose à nous dire de l'inspiration, a quelque chose à nous dire du Très-Haut, a quelque chose à nous dire du ciel. Raison peut-être pour laquelle aussi on l'appelle la haute couture. La haute couture, ce n'est pas la basse couture. Que nous dit-elle de son rapport au ciel, de son rapport au divin, de son rapport aux anges ? Le saint, c'est celui qui, dans la justesse de ses paroles, rejoint les autres. L'évangile et l'écriture sainte le dit à sa manière. Littéralement, le saint, c'est celui qui est mis à part, qui est séparé, comme le jour saint qui est le septième jour, où Dieu se retire du monde pour faire venir l'homme dans le monde, qui est le jour de Shabbat. Et ce jour séparé des autres, ce jour mis à part, c'est aussi le jour où l'homme appelle Dieu à être dans un mouvement d'humanité qui le conduise précisément à être profondément avec les hommes parce qu'ils sont profondément avec Dieu. Eh bien, Saint Martin, au IVe siècle, nous donne à voir et à comprendre ce qu'est cet homme qui est dans un amour profond des autres parce qu'il est dans un amour profond de Dieu. Valérie Chevassieu, lorsqu'on s'intéresse aux vêtements, évidemment la première question qu'on se pose c'est, après tout, pourquoi sommes-nous vêtus ? Dans la mesure où, je dirais, les animaux, dont nous descendons quand même, sont vêtus, mais sont vêtus de manière quasiment organique, tandis que nous avons éprouvé le besoin apparemment d'avoir quelque chose que nous rajoutons à notre corps. Donc on se demande pourquoi. Vous faites peut-être allusion ici au Protagoras de Platon, je sais... Ce texte-là où Platon raconte comment le vêtement est arrivé à l'homme et fait la différence nette entre le vêtement ou la fourrure des animaux et le vêtement que Prométhée a ensuite permis aux hommes d'avoir. Épiméthée avait prévu pour les hommes une fourrure et tout un harnachement qui leur servait à se protéger des intempéries et des saisons de Zeus, tandis que ensuite, quand il a fallu habiller l'homme, il s'est rendu compte qu'il avait complètement oublié de faire ce qu'il fallait et il a dû s'en remettre à Prométhée, qui lui a décidé qu'il fallait voler le feu à Zeus et qu'il fallait donner aux hommes l'art. C'est par l'art qu'ils allaient réussir à créer leurs vêtements. Donc toute la différence au départ, elle est là, entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme a recours à l'art pour se créer son vêtement. Et moi, évidemment, j'ai envie de faire le lien entre le Protagoras d'une part et les travaux et les jours d'Hésiode d'autre part, puisque le fait que Prométhée voulait le feu pour le donner aux hommes, pour que, enfin, tout ce que vous nous avez raconté, on sait très bien que ça se fait d'une chose, c'est-à-dire que les dieux vont créer Pandora, Calon de Cacone, le pire des bienfaits, la pire des beautés, comme ils disent, c'est-à-dire que d'une certaine manière, ça se fait de la différence sexuelle. Je me suis référée donc au début à la Genèse et j'ai relu les phrases donc qui après le péché originel, qu'est-ce qui se passe? C'est que Adam et Ève n'ont plus le regard, ont un regard qui découvre et qui dévoile leur nudité. Et c'est parce que ils ont ce regard-là et qu'ils ont le premier geste de la connaissance, c'est celui de s'apposer un vêtement sur leur nudité honteuse, c'est-à-dire sur leur partie génitale, dans lesquelles ils retrouvent l'énormité de la différence sexuelle. Le vêtement humain, le vêtement pour le commun des mortels, a cette première fonction, c'est de masquer, et c'est d'être la conséquence de la reconnaissance de la différence sexuelle, et c'est de la masquer. la dissimuler. C'est ainsi qu'un jour, où Martin n'avait sur lui que ses armes et un simple manteau de soldat, qu'il rencontre à la porte de la cité d'Amiens un pauvre nu. Ce misérable avait beau supplier les passants d'avoir pitié de sa misère, ils passaient leur chemin. L'homme, rempli de Dieu, comprit donc que ce pauvre lui était réservé, puisque les autres ne lui accordaient aucune pitié. Mais que faire ? Il n'avait rien que la chlamyde dont il était habillé. Il en avait, en effet, déjà sacrifié tout le reste pour une bonne œuvre semblable. Aussi, saisissant l'arme qu'il portait à la ceinture, il partage sa chlamyde en deux, en donne un morceau au pauvre et se rhabille avec le reste. Sur ces entrefaites, quelques-uns des assistants se mirent à rire, car on lui trouvait piètre allure avec son habit mutilé. Sulpice Sévère, vie de Saint Martin, fin du IVe siècle. Saint-Martin qui donne son manteau à un pauvre, quel magnifique geste de charité qui nous rappelle, entre autres, celui de l'abbé Pierre avec sa cape et qui accueille les déshérités en 1954 et qui les accueillera toute sa vie. Mais en même temps, s'arrêter à cette vision-là du texte, dire que c'est un geste de charité qui rappelle par exemple l'évangile demandant à celui qui a deux tuniques d'en donner une pour le pauvre, eh bien, quelque part, on passe à côté de l'essence même du texte. En effet, écrire la vie d'un saint avec un petit e, c'est raconter l'écriture sainte avec un grand e. Et en ce sens, Sulpice Sévère, qui est un rhéteur, est aussi un exégète, c'est-à-dire quelqu'un qui interprète l'écriture sainte avec les mots de son temps. Et précisément, Sulpice Sévère, en contact avec Saint-Martin, en contact sans doute aussi avec l'exégèse d'Hilaire de Poitiers, c'est-à-dire avec la manière dont cet homme de Dieu interprète l'écriture sainte, eh bien, va faire couler dans sa vie de saint une manière de penser la vie de Saint-Martin avec une manière de penser l'écriture sainte. Et c'est ainsi que, derrière l'image du manteau donné, partagé par Saint-Martin, eh bien, se profile l'image empruntée à Saint-Paul, qui est celle de revêtir le Christ. Et donc on peut dire que Saint-Martin revêt son vêtement qu'il va donner à un pauvre comme il revêt le Christ, parce qu'il est complètement habillé du Christ. Il s'est complètement défait de ses vêtements, on dirait aujourd'hui égotiques, surmoïques, en d'autres termes. Il s'est complètement défait de ces vêtements-là. Il s'est totalement dépouillé de lui-même pour entrer profondément en relation avec l'autre et donner son vêtement. Et donc, il revêt le Christ, il s'habille de Dieu, on pourrait dire ça comme ça. Et il est complètement à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est la question que je me pose, Valérie Chevassu, par rapport à ce que vous dites, précisément. C'est qu'on sait très bien qu'anthropologiquement, il y a des cultures. Évidemment, c'est dans les pays chauds, parce que autrement, il y a une fonction du vêtement, ça veut dire. Mais il y a des cultures dans lesquelles les missionnaires ont essayé d'imposer des pagnes aux hommes et aux femmes, qui ont trouvé ça absolument scandaleux. Scandaleux parce que, d'une certaine façon, porter un pagne, cacher le sexe, c'était précisément attirer l'attention sur le sexe pour eux. Donc c'était vraiment la pudeur faisait qu'on devait être nu. C'est vrai que c'est presque une pensée plus évoluée que de se dire qu'on va enlever le vêtement là où on a envie de le mettre. Je trouve que c'est presque plus recherché comme geste que celui de se voiler de façon presque animale face à l'autre, face au regard de l'autre. C'est presque aller plus loin dans son évolution. Donc certaines tribus primitives sont en fait peut-être plus évoluées que nous à ce niveau-là, dans la mesure où le regard, elle dépasse ce qu'impose le regard de l'autre en se disant non, il ne faut pas que je voile là où j'ai envie de voiler. C'est peut-être encore plus évolué. Enfin, je ne sais pas. Mais il me semble que le vêtement, au départ, il a cette fonction de pudique, tout simplement. Le premier vêtement, il est presque là pour... il n'est pas tellement là pour protéger, pour se prémunir du froid ou des mauvaises saisons, mais il est là par pudeur. C'est vraiment un geste spécifiquement humain qui consiste à se protéger, mais pas tellement face à la nature, mais face au regard de l'autre. Ça pose l'homme complètement soumis et complètement pris et en proie au regard de l'autre. Parce qu'il m'a semblé que le saint, justement, échappait à cette condition-là et qu'il se défaisait et qu'il... Il se soustrayait au regard de l'autre. C'est ce qu'il faudrait chercher. C'est pourquoi il faudrait aussi se le demander. Mais il me semble que c'est clair. Mais alors, avant de parler des saints, du saint, Valéry Chevassu, je voudrais quand même qu'on en reste d'abord à cette symbolique, entre guillemets, originelle du vêtement. Parce qu'on a l'impression que, d'une certaine manière, le vêtement, s'il est masculin ou s'il est féminin, s'il est porté par un homme, s'il est porté par une femme, en réalité, n'entraîne pas la même symbolique. Dans la psychanalyse freudienne, c'est vrai qu'on le vêtement est là pour masquer une absence, pour masquer un manque. C'est ce qu'on dit traditionnellement en psychanalyse. Ça rejoint peut-être aussi ce qui s'est passé lorsque Ève a mis son pagne tissé de feuilles devant son sexe, et elle a voulu masquer son manque et l'absence de ce qu'elle voyait que Adam possédait et qu'elle ne possédait pas. Donc apparemment, dès le départ, il semble que le vêtement soit là chez la femme pour masquer le manque et pour masquer justement son incomplétude fondamentale. Alors moi, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que le vêtement n'est pas là chez l'homme pour masquer son trop-plein? Bon, alors là, j'ai fait référence à un texte de Monique Schneider sur le partage sexué, où elle montre, en faisant elle-même référence à saint Augustin dans la Cité de Dieu, qui a remarqué que l'homme se trouvait souvent en situation d'incontrôlable, enfin d'une maîtrise incomplète sur lui-même, puisqu'il ne pouvait pas contrôler les mouvements de son membre viril, et ce qui le mettait dans une position de non-pouvoir sur lui-même. Et à ce moment-là, saint Augustin le dit, le vêtement chez l'homme a cette fonction de masquer l'incontrôlable de sa partie bestiale ou de son non-pouvoir. Et chez l'homme, il y a ça, le vêtement reconnaît et souligne une sorte de hiatus entre le corps et la volonté, entre le corps et l'âme. L'homme ne maîtrise pas du tout son corps, et au moins dans son apparence. Mais en fait, est-ce que chez la femme, il semble que ça soit présenté souvent comme un manque et une absence, mais chez l'homme, c'est sa force aussi. Est-ce que c'est un manque, est-ce que c'est une faiblesse de l'homme que de ne pas être totalement maître de lui-même et des mouvements de son corps? Ça peut être aussi sa force, ça peut être aussi la reconnaissance d'une certaine faiblesse dont on peut tirer une certaine conscience de sa faiblesse en tant que de sa faiblesse masculine. Il y a une question que j'aimerais quand même bien vous poser, Valérie Chevassu. C'est que vous m'avez parlé tout à l'heure du péché originel. Là, vous faites référence à saint Augustin. Oui. Or, le péché originel, c'est une invention de saint Augustin. Oui. On sait très bien qu'aucun rabbin, quand il lit la Bible, disent tous, mais le péché originel, ça n'existe pas. D'ailleurs, l'Église d'Orient elle-même, l'Église orthodoxe, le péché originel, s'inspirant de la patrie grecque, ne connaît pas. C'est vraiment l'Occident latin. Donc, ce que j'essaierai de comprendre par rapport justement, mais par rapport à la signification du vêtement, par rapport à toute la symbolique, c'est pourquoi est-ce que vous vous référez tellement à saint Augustin ? Je ne me réfère pas tellement à saint Augustin. Je ne suis pas théologienne, je n'ai pas de connaissances particulières dans ce domaine, mais je cite Monique Schneider qui, elle, s'y réfère. Et j'ai trouvé que cette phrase-là et cet aspect-là de la pensée de saint Augustin était vraiment remarquable. Parce que c'est vrai que les psychanalystes sont très attentifs à ce qui fait la spécificité du corps, aussi bien masculin que féminin. Donc, de retrouver chez saint Augustin quelque chose comme ça qui nous rappelle un trait fondamental du corps masculin, c'était très surprenant. Et Monique Schneider l'a sans doute remarqué aussi. On a été surprise aussi, certainement, avant moi. Et c'est elle qui fait référence, moi. Pas trop. Dans la mesure où Lacan cite souvent saint Augustin, ce qui m'a obligée à me plonger dans les écrits de saint Augustin, mais sinon je n'ai pas spécialement de... La nuit suivante, quand Martin se fut abandonné au sommeil, il vit le Christ, vêtu de la moitié de la chlamyde dont il avait couvert le pauvre. Il est invité à considérer très attentivement le Seigneur et à reconnaître le vêtement qu'il avait donné. Puis il entend Jésus dire à la foule des anges qui se tiennent autour d'eux, « Martin, qui n'est que catéchumène, m'a couvert de ce vêtement. » En vérité, le Seigneur se souvenait de ces paroles, lui qui avait proclamé jadis, « Chaque fois que vous avez fait quelque chose pour l'un de ces tout-petits, c'est pour moi que vous le faites. » Quand il déclara avoir été vêtu en la personne de ce pauvre. Et pour confirmer son témoignage en faveur d'une si bonne œuvre, il daigna se faire voir dans le même habit que le pauvre avait reçu. Vie de saint Martin, Sulpice Sévère. Dans cette relation de la sainteté à la mode, oui. À la limite, il n'y a rien de plus saint que les anges. Il suffit de penser au texte de Jean Chrysostome, les anges qui jouent éternellement de la musique devant Dieu. Et moi, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que les anges sont vêtus à la mode ? Oui, et ce tout au long des siècles. Parce que la tradition littéraire dans laquelle on parle des vêtements des anges, c'est une tradition qui, elle aussi, procède de la manière dont on va commenter l'Écriture sainte. Et il faut ici se souvenir du protévangile de Jacques au IIe siècle, qui va déjà raconter l'Annonciation, hein, le moment où l'ange apparaît à Marie et lui annonce qu'elle va concevoir un enfant. Et le protévangile de Jacques va montrer que cette Annonciation, c'est un moment de tissage. Marie est assise devant son rouet, elle prend le fil de pourpre et le fil d'écarlate, et le protévangile de Jacques, écrit au IIe siècle, nous raconte que c'est à ce moment-là que l'ange survient et lui dit qu'elle va concevoir un enfant. Et très vite, la tradition littéraire va comparer l'incarnation du Christ avec le vêtement tissé par la Vierge. C'est la raison pour laquelle tous les vêtements des saints et les vêtements du Christ, et aussi les vêtements des anges, sont tissés dans une matière d'Ave Maria, parce que l'ange dit « Je vous salue Marie » quand il lui apparaît. Et au Moyen-Âge, par exemple, on a de nombreux textes qui nous racontent comment les moines et les moniales, à l'aide de leurs prières, tissaient le vêtement de l'enfant Jésus, donc à l'aide d'Ave Maria. On a même un très joli texte qui nous raconte comment la Vierge apparaît à une moniale courroucée parce qu'elle n'a pas assez dit d'Ave Maria alors qu'il manque une manche au vêtement. Donc on est dans cette vision-là. Et puis un petit peu plus tard, par exemple au XIIIe siècle, la fameuse légende dorée va nous raconter comment Saint Martin, qui doit dire un jour sa messe, a là aussi fait un geste de charité, donner son manteau à un autre pauvre, et qui n'est pas le pauvre de la cité d'Amiens. En tout cas, toujours est-il que le jour où il s'apprête à dire la messe, eh bien, il n'a plus de manteau. Et il a les bras tout nus. Et le texte raconte qu'à ce moment-là, les anges apparaissent et lui tendent des bracelets d'or et d'argent pour compléter sa tunique et pour qu'il puisse dire la messe sans avoir l'air ridicule. Donc la mode, c'est une mode angélique. Alors ce qui est très intéressant, c'est de voir que Jacques de Voragine comme Sulpice Sévère composent leur texte à quelques 9-10 siècles d'intervalle, exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'ils vont se retirer dans le silence, dans la prière, et ils vont appeler à leur esprit des images mentales qui vont leur permettre d'activer leur mémoire et de composer ainsi leur texte. Et c'est ainsi qu'ils font venir à leur mémoire les magnifiques images des vêtements angéliques, des vêtements christiques, que ce soit celui de la Passion, que ce soit celui de l'Annonciation, que ce soit celui de la Transfiguration, et bien d'autres encore. Et pour créer un lien entre Jean-Charles de Castelbajac et Sulpice Sévère, eh bien, il faut dire ici que Jean-Charles de Castelbajac a eu une activité de créateur qui est très proche de celle des créateurs médiévaux, c'est-à-dire qu'il est dans une rêverie de la mémoire qui fait venir à lui des images, et ce sont des images de création qu'il va ensuite pouvoir manifester dans sa propre, dans une dimension toute matérielle. Valérie Chevassu, venons-en aux vêtements des saints en tant que tels, parce que tu ne parles le saint, sanctus, c'est la même racine que sa sacaire, c'est-à-dire que ça renvoie à une vieille racine indo-européenne. Le sac, bon, qui par métathèse a donné le casse de castration, etc. C'est-à-dire que le saint est quand même celui qui est à part, d'une certaine manière. Et moi, c'est la question que je me pose, c'est que est-ce que, à travers ce à part, il n'est pas aussi à part dans l'économie du salut, c'est-à-dire est-ce que d'une certaine manière le saint n'est pas celui qui redevient un homme adamique, comme on dit, c'est-à-dire l'Adam d'avant la chute. Oui, c'est tout à fait. Enfin, moi j'ai retrouvé une phrase de Luther qui m'a beaucoup plu, qui dit exactement ça, c'est que le saint, il faut noyer Adam dans une vie de repentance et s'ouvrir à une vie nouvelle, à la voie nouvelle, la vie nouvelle, où on va mourir à soi-même. Et c'est ça qui fait l'essence du saint, c'est qu'il doit mourir à lui-même. Et ça me semble fondamental. Il meurt au regard de l'autre, il meurt au regard de lui-même sur lui-même, il meurt à lui-même. Et c'est fondamental parce que le vêtement, c'est justement là où on ne meurt pas à soi-même. Quand on fait attention à son vêtement et qu'on essaie de se couvrir, on est très très centré sur soi-même et on ne s'oublie pas. Tandis que le saint, lui, c'est vrai qu'il est l'Adam d'avant le péché. Je trouve effectivement que c'est exactement ça. Alors, si vous voulez bien, Valérie Chevassu, j'aimerais bien faire allusion à quelqu'un dont on sait que, justement, la manière dont il se défait des vêtements est absolument centrale de sa vie, c'est-à-dire l'épisode de saint François d'Assise sur le parvis de la cathédrale d'Assise, au moment où, après la plainte qu'a faite son père par rapport à son vol de vêtements qu'il allait vendre dans la ville à côté, où il y a jugement de l'évêque, où devant toute la foule assemblée, il se met nu, et il déclare « Maintenant, je ne dirai plus mon père, mais je dirai mon père dans les cieux. » Et là, on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose, et qui d'ailleurs va irriguer toute la tradition franciscaine, qu'il y a quelque chose dans le fait de se départir des vêtements, qui précisément introduit dans une dépossession de soi-même, ou je dirais plus exactement une conversion de soi-même, une conversion intérieure, je dirais une métanoïa, une métamorphose profonde, qui fait accéder à quelque chose de l'ordre de la sainteté. Oui, le geste de Saint-François d'Assise est vraiment très symbolique et puis très emblématique de ce que signifie le vêtement pour le saint. C'est une rupture avec le père géniteur. Le père est vendeur de draps et de soieries. Et François, avant, a été fils de son père, c'est-à-dire qu'il a vendu lui aussi des tissus. Il a aimé les tissus, il a aimé la vie liée avec une certaine futilité, la vie des femmes, le vin, et on souligne souvent cette vie-là de François qui est très liée au tissu, au vêtement, au sens du vêtement séduction, du vêtement commerce, parce que son père était négociant. Et oui, mais ce qui m'intéresse dans Saint-François, oui, c'est que pour arriver à cette scène, c'est qu'en fait, il a volé des choses à son père. Il a volé des vêtements pour aller les vendre afin précisément de bâtir l'église, enfin le message qu'il a mal compris à partir du moment où on rêve, tu dois rebâtir mon église. Lui, il comprend que c'est la chapelle de la portion cule. Alors qu'en réalité, il s'agit évidemment de l'église en toute généralité. Mais ce qui m'intéresse, c'est que dans Saint-François, il est non seulement le fils d'un marchand de draps, mais en plus, il vole les draps. Oui, mais là, je viens de penser à quelque chose à laquelle je n'avais pas pensé. Effectivement, il vole au père. Et est-ce que ce n'est pas justement le nom du père là, dont il s'empare? Il vole la puissance phallique du père de cette façon-là pour s'affirmer lui-même dans une vision et une transformation du tissu qui sera tout à fait différente de celle de son père. Mais en même temps, il est obligé de voler quelque chose au père. C'est que étrangement, le père lui donne un héritage, lui permet d'être autrement que lui. Et quand François vole à son père, il lui vole l'outil phallique, presque, on pourrait dire, avec lequel il va faire autre chose que son père, puisque lui va se dévêtir et prendre d'autres vêtements que ceux du père. Mais c'est vrai que ce vol, il faudrait y penser, il faudrait l'interpréter certainement, j'y avais pas pensé. Ce qui m'intéresse, c'est une certaine tradition franciscaine dans laquelle, effectivement, il y a le dénudement. Enfin, je pense à une mystique italienne de la fin du XIIIe, début du XIVe siècle, qui est Angelo Foligno, dont on sait que la scène centrale, c'est le moment où elle se dénude devant le Christ en disant « Et maintenant, je suis toujours pour toujours à toi et je serai définitivement chaste. » Alors, évidemment, premier mouvement, on comprend mal que l'on se mette nu pour dire que je vais être définitivement chaste. Et on l'a généralement aussi interprété comme une sorte de sublimation d'un élan sexuel vers le Christ. Alors qu'en réalité, je pense, ça répète beaucoup plus la scène de Saint François. Et on sait qu'on a beaucoup d'exemples de franciscains dans cette veine. Et c'est là où je me demande justement que veut dire d'une manière générale, au-delà du cas particulier de Saint François, que veut dire cette façon de se débarrasser de ses vêtements, d'arriver à une nudité. Bon, ouais. Évidemment, qui est en relation aussi avec le thème de la pauvreté, de la dame pauvreté, de Saint-François, etc. Oui, je crois qu'il faut interpréter le dépouillement dans le sens de la perte, parce qu'il me semble que le saint, ce qui le caractérise fondamentalement, c'est quelqu'un qui se dépossède de lui-même, de ses vêtements, et c'est quelqu'un qui perd tout, qui n'a aucune hésitation devant la perte, sans pour autant craindre de se perdre lui-même. Il n'a nullement besoin du vêtement pour l'affirmer ou l'asseoir dans son identité. Il n'a aucune crispation devant l'éventualité d'une perte de lui-même ou de quoi que ce soit ou de toute possession. Donc ce dépouillement va avec ce grand, on pourrait même dire ce grand courage, c'est même pas du courage puisque ça ne l'intéresse pas, ça. La perte ne le concerne pas. Et c'est pour ça qu'il a une force phénoménale puisqu'on ne peut rien lui faire. Il est inattaquable, il est inentamable puisqu'il n'a aucun repli sur lui-même, aucune tentative pour se préserver. Ça ne l'intéresse pas. De toute façon, il n'a rien à préserver d'autre que ce que c'est, que son idéal et que son dévouement et son don total à Dieu et au Christ. Oui, mais alors du coup, je me pose la question de savoir que représente la robe de moine qui va être celle, bon, toute particulière, mais qui va être celle de l'ordre franciscain dans sa vie. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on se fait de ses vêtements pour en réalité endosser un autre vêtement. Mais je crois que le saint endosse un vêtement pour mieux s'en défaire. Pour à chaque fois, parce qu'il y a vraiment très souvent, ça revient dans les huit saints, c'est qu'ils sont sans arrêt en train de se défaire de leurs vêtements ou d'en donner un morceau. Donc ils sont toujours dans le geste du dépouillement, le geste du dénuement, ressignent à chaque fois leur idéal. C'est-à-dire qu'il faut se défaire et si on a un vêtement, c'est pour mieux encore montrer qu'on va s'en défaire. Mais alors à ce moment-là, je dirais, est-ce que ce n'est pas encore plus radical? Dans d'autres traditions, je sais bien, je sors du christianisme, mais je pense à une tradition de l'Inde et des réalisés vivants, des Jnanamukti, comme ils disent. Bon, je ne sais pas si on est réalisé vivant, mais enfin, admettons-le. Dans lequel le méditant s'est défait de tous ses vêtements et devient ce qu'on appelle un digambara. C'est-à-dire, il est vêtu d'air. Et en réalité, c'est l'air qui est son vêtement. C'est-à-dire que là, on ne se dépouille même pas d'un vêtement pour un autre vêtement. On se dépouille totalement d'un vêtement. Et l'ego lui-même disparaît complètement, puisqu'on n'est plus vêtu que du souffle des dieux, d'une certaine manière. Oui, ça doit être l'idéal aussi de la sainteté, de toute origine. Et oui, et je crois qu'on peut dire aussi que le saint a une affinité avec le rien. Il y a vraiment une sorte de reconnaissance de lui-même dans le rien. Alors, c'est pour ça qu'il a... Est-ce que l'air, c'est le rien? Dans ce sens-là, je ne sais pas, mais c'est pour ça qu'il a une grande force, parce que justement, rien n'a réellement d'importance. Oui, mais en même temps, en vous écoutant, est-ce qu'il ne faut pas pousser jusqu'au bout? C'est-à-dire que je pense à la vision de Saint Paul sur le chemin de Damas. Il devient aveugle quasiment, et ce qu'il voit, rien. Enfin, je pense particulièrement au commentaire de Maître Eckhart en disant et ce rien qu'il vit, c'était le néant. C'est-à-dire le néant de Dieu, en fin de compte. Enfin, le néant de Dieu en tant que c'est un néant super essentiel. Bon, on pourrait reprendre de Denis l'Aréopagite, etc. Mais c'est-à-dire que Dieu est d'abord dans le rien. Oui. Oui, certainement, c'est ça. C'est là que le saint se retrouve totalement dans ce pourquoi il est fait. Peut-être que je peux ici parler des différentes sortes d'images. En effet, il y a tout un travail qui va mener de l'image mentale à l'image picturale. Et l'image matérielle, hein, l'image que nous voyons. Et Jean-Charles de Castelbajac, précisément, racontait hier, alors je ne prends pas sa parole, hein, mais je ne fais qu'évoquer ici la très belle parole qui a été la sienne, à son endroit, à propos du travail qu'il a cousu pour, et qu'il a fait pour les JMJ, donc les Journées Mondiales de la Jeunesse, en 1997, pour Jean-Paul II. Travail qui avait été commandé par l'archevêché de Paris. Et Jean-Charles de Castelbajac racontait hier comment le premier vêtement qu'il a créé, qui était un petit peu l'annonce de cette chasuble qu'il a dessinée, c'était une croix. C'était un vêtement dressé en forme de croix, à l'aide d'une couverture qui était la couverture de son lit de pensionnaire. Et Jean-Charles de Castelbajac, précisément au musée Galliera, à Galliérock, a créé un cabinet de curiosité. C'est bien la Renaissance qui va transformer les lieux de composition antique, hein, qui se faisaient soit dans une chambre à coucher. Par exemple, Sulpice Sévère compose dans son cubiculum, dans sa cellule romaine. Jacques de Voragine compose dans sa cellule de dominicain. Et Jean-Charles de Castelbajac compose, lui, dans un cabinet de curiosité, qui est la première pièce où le visiteur est convié à entrer dans le palais Galliera. Et ce cabinet de curiosité, c'est la Renaissance, précisément, qui va lui donner cette forme au moment où elle va transformer l'art de la mémoire. Elle va lui donner une forme concrète. Elle va en faire un lieu de mémoire qui va être l'ancêtre du musée. Lieu de mémoire dans lequel, par exemple, Archimboldo va peindre ses étranges portraits de fleurs, de fruits, de poissons à des hommes qui ont des vêtements tissés de blé, hein, cabinet de curiosité qui sont les lieux de composition de l'artiste. Et Jean-Charles de Castelbajac, dans ce cabinet de curiosité, installe précisément les traces de l'histoire. les traces de l'histoire, ce sont les vêtements qui portent la trace des hommes. Les vêtements, le vêtement n'est jamais mort, le vêtement c'est quelque chose de vivant. Jean-Charles de Balzac racontait ici que deux vêtements identiques portés par deux personnes différentes, eh bien, vont donner deux vêtements différents parce que précisément elles portent l'empreinte, la trace de la personne. Et dans le cabinet de curiosité de Galliéroc, il y a notamment un très beau vêtement qui est l'armure de Jeanne d'Arc, enfin attribuée à Jeanne d'Arc, armure qu'elle a revêtue pour aller au combat, et aussi la robe de chambre de Napoléon, le vêtement qu'il a porté au moment de sa mort et qu'il a porté en tant que prisonnier à Sainte-Hélène. Et Jean-Charles de Castelbajac disait qu'il avait créé la chasuble du pape, et que le pape lui avait dit qu'il avait porté ce vêtement comme une armure de combattant pour aller au combat et notamment demander à Pinochet d'arrêter ces massacres. Donc le vêtement, c'est une histoire spirituelle, c'est une aventure spirituelle. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que l'arme de la mémoire dont vous parlez, si j'ai bien lu Francis Yates, ça se termine aussi quand même dans le théâtre, oui. C'est-à-dire dans le spectacle. Et que lorsque vous me parlez de Jean-Paul II qui commence d'une chasuble à Jean-Charles de Castelbajac, moi je pense tout de suite à Roma Fellini, à Fellini-Roma. Oui. C'est-à-dire à ce défilé de mode de, effectivement, quelles sont les nouvelles coupes des robes des cardinaux. Donc là, je suis quand même moins sûr que vous que... Ce sont les propres. La sainteté qui se termine en spectacle, ça me laisse un problème. Mais alors, il y a un autre problème qui me vient à l'idée. C'est de me dire, quand même, quel est le lien entre la haute couture, qui est de la couture, et la tunique du Christ, qui en principe n'a pas de couture. Est-ce que c'est l'expression cousue de la tunique sans couture? Je vais vous poser une autre question, si vous voulez bien, Sylvie Vernet. À savoir que, on sait bien, dans ces domaines, du mot de la tenue que nous portons. Et ce que je me demande, c'est est-ce que la tenue, c'est ce qui est tenu par les gens, du point de vue, ou est-ce que c'est ce qui fait tenir ? À un moment donné, on a parlé de la ceinture. Alors, il y a toute une tradition littéraire aussi autour de la ceinture des seins. Mais la ceinture, dans le vêtement, c'est ce qui permet au pantalon de tenir. Et... On sait, et quelqu'un l'a évoqué hier, a évoqué la mémoire de son père, à qui on avait enlevé sa ceinture, et qui était obligé de tenir son pantalon, et qui ne pouvait pas fuir, et qui ainsi avait été fait prisonnier. La tenue, c'est ce qui permet de tenir, hein. Le vêtement, c'est ce qui tient la personne. Christian Bobin, La lumière du monde. Il est presque impossible de se faire un manteau de lumière et d'amour dans cette vie. Et le manteau impeccable des saints, il est certain qu'ils ont dû le payer horriblement cher, parce qu'il n'y a que l'âme qui puisse les vêtir. Et l'âme, c'est hors de prix. Ce sont leurs yeux purs et doux qui les habillent, comme si toute la soie du monde en sortait. Leur manteau leur a coûté un prix inimaginable. S'ils en parlent peu, c'est par une sorte de courtoisie très profonde pour ne pas peser sur les autres. Livre. Dans les livres de cette semaine, je voudrais d'abord attirer l'attention sur la publication par les éditions de Grenoble Jérôme Millon des lettres de Hildegarde de Bingen. Lorsqu'on dit les lettres, il faut s'entendre évidemment, puisque en réalité c'est un ensemble d'à peu près une soixantaine de lettres sur plusieurs centaines de missives que Hildegarde de Bingen a écrites dans son temps. Hildegarde de Bingen, on sait que c'est cette mère supérieure qui vivait, cette moniale en même temps, bien sûr, qui vivait au XIIe siècle, qui a eu une importance absolument énorme dans la chrétienté médiévale et qui était en correspondance aussi bien avec Saint Bernard, par exemple, que Élisabeth de Chenôve, ou alors avec des communautés de moniales elles-mêmes et avec les grands de ce monde. On songe particulièrement à sa correspondance avec Henri, le roi d'Angleterre, sa femme Aliénor, ou avec des archevêques comme les archevêques de Mayence et les archevêques de Brême. En réalité, ce qu'il faut bien voir, c'est que nous sommes dans une époque extrêmement troublée. On commence à voir surgir ce qui plus tard sera appelé le catharisme. On est plongé dans des conflits à la fois théologiques, spirituels et temporels, comme l'affrontement entre le Saint-Empire romain germanique, ou plus exactement les empereurs, évidemment, les empereurs allemands et romains en même temps, et le pape. Et on voit comme Hildegarde de Bingen, qui est à la fois une savante, qui est à la fois une médecin, qui est à la fois une poétesse, qui est à la fois une musicienne, comment Hildegarde de Bingen, au nom des visions qu'il habite, puisque c'était une très grande visionnaire, comment elle laisse parler en elle cette voix qui s'adresse à l'ensemble de ses correspondants, et comment elle n'hésite pas à s'insurger contre l'état des choses, à condamner, à admonester, éventuellement à conseiller, et on sait de ce point de vue-là qu'elle a occupé une place tout à fait centrale et tout à fait particulière dans la civilisation de ce qu'il est convenu d'appeler le moyen Moyen-Âge. La voie de la vie et du salut dit « Pourquoi un homme mange-t-il une grappe de raisin ? Sans vouloir savoir que c'est après la destruction du peuple, après que Dieu a lavé et passé autrement au crible cette terre dont le premier homme s'était moqué, que la terre a exsudé cette grappe sous une nouvelle forme. » Puisque, avec Hildegarde de Bingen, nous étions clairement dans la mystique, je voudrais continuer, même si nous sommes dans le cadre d'un autre système religieux, avec l'ouvrage de Stéphane Ruspoli, écrit de Maître Soufi, aux éditions Harfuyenne. En réalité, il s'agit du second tome qui suit la publication par Stéphane Ruspoli de trois traités de Kubra, Najan Kubra, le grand maître soufi, dont on a déjà parlé d'ailleurs dans Les vivants et les dieux, et où là, il s'agit cette fois-ci de trois traités de Baghdadi et de Semnani. De quoi retourne-t-il au juste, sinon de cette confrérie des Kubraoui, fondée par Kubra, précisément, cette confrérie mystique, cette confrérie soufi, qui a pris son essor en Asie centrale, mais qui très vite a touché Bagdad, a touché la Perse, et au XVIe siècle va s'étendre par exemple au Cachemire ou à Ceylan, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle l'islam indien. Et si je parle des soufis, c'est aussi parce qu'on sait très bien l'étymologie que l'on donne, est-elle juste, est-elle controuvée, je suis incapable d'en juger, mais cette étymologie que l'on donne au mot soufi, qui renverrait précisément aux vêtements de laine qui les caractérisent et dont ils se revêtent pour leur cérémonie. Et à travers l'œuvre de Baghdadi, mort au début du XIIIe siècle, puis à travers l'œuvre de Semnani, un persan, qui vivait à cheval sur le XIIIe et le XIVe siècle de ce qu'il est convenu d'appeler l'ère commune, ce à quoi nous donne accès Stéphane Ruspoli, c'est à un début de synthèse entre le soufisme venu de l'Occident, le soufisme espagnol d'origine, si on peut se servir de ces mots, d'Ibn Arabi, et d'autre part, précisément, de l'ensemble des thèses qui étaient celles de l'école Kubraoui, et qui s'articulent sur deux thèmes, d'une part l'absolu de la transcendance, d'autre part l'immanence de Dieu dans le cœur, c'est-à-dire en fin de compte ce qu'en philosophie aujourd'hui on appelle l'immanence de la transcendance. Si les dévoilements formels ne se rapportent pas aux événements d'ici-bas, ce sont des perceptions visionnaires et entrées aux choses de l'autre monde et aux réalités spirituelles comme les esprits des classes supérieures ou les anges célestes ou terrestres. Et puis, en revenant dans notre culture chrétienne, je voudrais m'attarder un instant sur la republication aux éditions des Clés de Rouvert de l'œuvre complète en deux tomes de Thérèse d'Avila, avec le texte français qui est devenu quasiment le texte de référence, le texte de base que tout le monde connaît, le texte français de Marcel Auclert. Je signale cette réédition dans la mesure où cette œuvre complète de Thérèse d'Avila, en langue française, était devenue quasiment inaccessible, et que là, nous avons effectivement de nouveau la possibilité, non pas de penser Sainte Thérèse selon ce qu'en rapporte la tradition, mais dans un contact, dans une sorte de négociation directe avec ce qu'elle a réellement écrit. Et évidemment, on lira avec plaisir des textes comme Le chemin de la perfection, ou l'ensemble de ses poésies, ou les pensées sur l'amour de Dieu, ou le grand château intérieur. Et où là, nous pénétrons dans ce qui est le cœur de cette mystique espagnole, évidemment avec son compagnon Saint Jean de la Croix, mais de cette mystique espagnole qui a marqué un tournant dans l'ensemble de la spiritualité et qui va trouver, sans aucun doute, ses prolongements à travers ce qu'on appelle l'école de spiritualité française du XVIIe siècle, puis le quiétisme, toutes les querelles qu'il va y avoir à ce propos, et éventuellement la manière dont cela va influencer toute l'évolution d'une certaine théosophie, et particulièrement d'une certaine philosophie, je pense évidemment à la philosophie romantique allemande. Ô grande amoureuse de l'éternel Dieu, étoile brillante, protégez-nous, dès un âge tendre, vous prie tous époux. Le si grand amour ne vous donna aucun repos. Quiconque est craintif, qu'il ne vous suive point, s'il estime la vie et craint de mourir pour vous. Enfin, je voudrais terminer par l'ouvrage de Alain Deligne, Éric Veil, Ficin et Plotin, aux éditions de L'Arbatan. De quoi retourne-t-il au juste? C'est précisément d'un texte, et d'un texte qui me semble extrêmement important du point de vue de l'histoire des idées, de Éric Veil, ce philosophe allemand, sur les rapports que l'on peut trouver par-delà les siècles entre Marcille Ficin, le platonicien de Florence à la fin du XVe siècle, et Plotin, qui lui-même vivait à la fin de l'Empire romain. Et ce qu'essaie de comprendre Éric Veil, c'est comment dans toute la lignée néo-platonicienne, qui est partie précisément de Plotin jusqu'à ce platonisme de Florence, et éventuellement d'ailleurs ensuite au platonisme de Cambridge, que l'on pourrait faire rentrer aussi dedans, c'est de réfléchir sur un monde religieux qui s'est peu à peu sécularisé, et particulièrement par la voie de la magie astrale, et on voit très bien comment cela va commencer avec ce qu'on appelle la théurgie, c'est-à-dire avec l'œuvre de Jean Blic, celle que l'on connaît sous le nom des Mystères d'Égypte. Et d'une certaine manière, on se rend compte qu'à travers ce travail d'ailleurs qui a été mené emblématiquement en collaboration et dans le cadre de la fameuse bibliothèque Warburg, c'est toute une réflexion qui nous permet de comprendre quelle a été, à partir d'une intuition mystique, l'évolution de notre société, l'évolution de l'ensemble de nos idées, l'évolution de nos conceptions du monde, qui, effectivement, vont peu à peu quitter leur horizon originel afin d'introduire à la société moderne. Pour Jean Blic, la théurgie utilise la philia, l'amitié, pour relier ce qui donne à ce qui reçoit. La théurgie est le lieu et le trône du bien, et c'est de la théurgie pratique. Ce n'est pas la connaissance qui relie le théurge à Dieu, mais l'accomplissement des œuvres inexprimables. Les livres aujourd'hui. Lettres de Hildegarde de Bingen aux éditions Jérôme Millon à Grenoble. Écrit des maîtres soufis de Stéphane Rouspoli aux éditions Arfuyenne. Les œuvres complètes en deux tomes de Thérèse d'Avila dans le texte français de Marcel Auclair, une réédition chez Desclés de Brouwer. Et Éric Veil, Ficin et Plotin de Alain Deligne aux éditions L'Harmattan. C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Sylvie Barnet et de Valérie Chevassu. Recherche sonore Dominique Catrou, mixage Pierre Mine, réalisation Isabelle Huel. Et nous retrouvons dans quelques instants Hélène Azéra.